Eh oui, mesdames et messieurs, bienvenue et merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Voici les grands titres de ce journal. L'indisponibilité de nouveaux billets de 5 000 francs et 10 000 francs bourg dans différentes localités du pays serait à l'origine de la flambée des prix et paralyse certaines activités commerciales, comme le déplorent les habitants de différentes provinces qui se sont exprimés sur le micro de la radio-télévision Isanganiro. Les rescapés réunis dans l'association Zilikana UB95 trouvent qu'il est grand temps que les réalités sur l'assassinat des étudiants Hutus qui logeaient dans les campus Mutanga et Zege de l'Université du Burundi en 1995 et 1996 soient connues. C'était à l'occasion de la commémoration de 28 ans après cet assassinat. Et le premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, met en garde les responsables des bureaux de change qui ne parviennent pas à échanger 50 000 dollars ou euros par semaine, que ces maisons de change seront suspendues. Vous suivrez le motif dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de ce journal présenté par Aïssa Liliane Inamaholo et mis en onde par Alphonse Koubguiman. La radio de l'avenir. Encore une fois, bienvenue. Le budget général de l'État exercice 2023-2024 s'élève à près de 4 000 milliards de francs burundais, annonce ce lundi par le ministre des Finances, invité au Palais des Congrès de Kigobe pour expliquer le contenu du nouveau budget. Selon le ministre Audace Niyonzima, les recettes et dons s'élèvent à plus de 3 000 milliards, alors que le déficit global du projet général s'élève à plus de 7 000 milliards de francs burundais. Évariste Nzikobanyanga, il est à l'hémicycle de Kigobe. Voici son reportage. 18 secteurs ont fait que les dépenses de l'enveloppe globale du projet du budget 2023-2024 augmentent. C'est entre autres les salaires et traitements pour un montant additionnel de 359,9 milliards BIF pour les salaires des établissements privés. Public pour les salaires des corps de la défense nationale et de la sécurité publique, ainsi que pour la mise en œuvre de la politique salariale, ainsi que le reste pour assurer les prévisions salariales réalistes. Il y a aussi la réhabilitation de la piste de l'aéroport Melchior Ndadaye pour un crédit de 50 milliards, alimentation des troupes militaires et policiers pour un montant additionnel de 143,4 milliards de BIF, projet chemin de fer pour un montant de 258,2 milliards de BIF. Selon le ministre des Finances, Audace Niyonzima, l'enveloppe globale du projet de budget exercice 2023-2024 est supérieure par rapport à celui de 2022-2023. Les dépenses totales de l'État passent de 2392,3 milliards de BIF en 2022-2023 à 3952,9 milliards de BIF pour l'exercice 2023-2024, soit un accroissement de 65,23% dû d'une part à l'augmentation de l'investissement sur les ressources nationales. Les recettes et dons passent de 2194,8 milliards de BIF en 2022-2023 à 3224,07 milliards de BIF en 2023-2024, soit une augmentation de 46,9%. Le déficit global du projet du budget général 2023-2024 s'élève à 728,9 milliards de BIF contre 197,4 milliards de BIF en 2022-2023. Depuis le palais des congrès de Kigobe, Évariste Nzikobanyanga, Radio Isanganiro. Eh oui, merci Évariste Nzikobanyanga. Les bureaux de change qui ne parviennent pas à échanger 50 000 dollars ou euros par semaine seront suspendus. C'est une des décisions prises après une réunion dirigée par le Premier ministre à l'intention des responsables des bureaux de change. Moïse Nkurunziza, porte-parole du Premier ministre, indique en outre que ces bureaux ont été tenus de déposer en ayant 3 jours 500 millions de francs burundais sur les comptes de la Banque centrale comme convenu à leur réouverture. Suivez-le. Au cours de cette réunion, il a été constaté amèrement que les maisons de change n'ont pas réalisé ce qu'elles devraient faire. Et il a été constaté que ces maisons, plutôt que de faire des échanges, se sont adonnées à la collecte. Et deuxièmement, il a été constaté que les soi-disant responsables de ces maisons de bureaux de change ne sont pas réellement des vrais responsables de ces maisons. Il a été alors décidé dans cette réunion, ce qui suit, tout bureau de change dans un délai ne dépassant pas 3 jours doit reconstituer son capital social de 500 millions comme c'est le prescrit de la réglementation à la matière. Deuxièmement, il a été formellement interdit à tout commerçant de faire des transactions en monnaie étrangère. Seule la monnaie locale, Rambo, est autorisée pour faire des achats ou faire autre chose en matière commerciale. Il a été recommandé à tout bureau de change qui ne parviendra pas de collecter et déclarer 50 000 d'euros ou de dollars à la BRB pour une semaine. Cette maison sera rayée de la liste. Et il a été demandé également à tout bureau de change qui a été ouvert au nom de plus d'une personne de remettre les documents attestant que cette maison appartient à plus d'une personne, de présenter ces documents aujourd'hui même à la Banque centrale. Il a été également interdit à toute personne physique ou morale de faire des transferts monétaire vers l'étranger. Donc, les établissements qui étaient autorisés à faire ce transfert, les établissements de transfert monétaire, ont été suspendus et ce rôle reste exclusivement réservé aux banques commerciales. Et cette page justice transitionnelle, il est nécessaire que les réalités sur l'assassinat des étudiants hutus qui logeaient dans les campus Mutanga et Nzege de l'Université du Burundi en 1995 et 1996 soient connues. Souhait des rescapés réunis dans l'association Zilikana UB 1995 ce lundi, commémorant 28 ans après cet assassinat lors d'une messe en mémoire de ces étudiants, l'abbé Dieu de Neniwizi appelle les Burundais au respect mutuel tout en promouvant les droits de l'homme. François Havyarimana, ministre de l'Éducation et Recherche scientifique, demande que la justice soit faite. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 18h passées de 9 minutes, le journal continue. La circulation de la monnaie est devenue casse-tête dans la mairie de Bujumbura. En fin de la semaine écoulée, certains de ceux qui exercent leurs activités dans la capitale économique n'acceptent de recevoir les billets de 5 000 et 10 000 francs bou en cours de remplacement. C'est au moment où ceux qui les reçoivent exigent des conditions dont un prix supérieur à la normale selon les besoins du bénéficiaire. Ils déplorent la rareté de nouveaux billets et demande aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème. Le point avec Omer Ndouayo. Parmi les plus touchés, les passagers du transport en commun exigeaient d'avoir une monnaie ne nécessitant pas d'échange. Les transporteurs, quant à eux, expliquent la difficulté de trouver l'échange. Une autre catégorie de gens qui se lamentent sont ceux qui font des transactions monétaires par moyen téléphonique. Ils sont demandés de nouveaux billets pour avoir la monnaie électronique. Dans l'agence de l'Econet Téléo, située sur l'avenue de l'Amitié en mairie de Bujumbura, l'on explique que le refus de recevoir les billets en cours de remplacement est dû à la limite d'un dépôt d'un montant de 30 millions que la société recommandait par jour, alors que cette société peut recevoir plus de son montant. Dans certaines banques, comme la CRDB, les créditeurs ayant des billets en cours de remplacement ont été mis sur les files d'attente en vue de faciliter la tâche. À côté des queues, les clients de Fenakobu, au centre-ville de Bujumbura, ont eu des numéros pour éviter le désordre. Les clients se lamentent du temps qu'ils font sur les queues, ce qui entrave leurs travaux. Vers 10h, il n'y avait pas de longue file d'attente dans la microfinance dite DIFO, mais les débiteurs étaient servis en billets de 1000 francs bou seulement. Même son de cloche dans la province Rumonge où la flambée des prix des vivres et perturbation des activités commerciales au marché central de la ville de Rumonge s'observe. À l'origine serait la décision de la Banque de la République du Burundi de retirer de la circulation les anciens billets de 10 000 francs bou et de 5 000 francs bou et la décision du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique portant protectionnisme économique. Les commerçants qui se sont exprimés et qui demandent dépendent du coût, la disponibilité des billets. Jean-Pierre Misago pour le reportage. Les prix au kilo des grains de maïs, du riz, du haricot et autres denrées alimentaires provenant de l'extérieur de la ville de Rumonge étaient montés de 300 francs burundais à 800 francs burundais par rapport au prix de ce 7 juin courant. Les consommateurs se demandaient pourquoi certains vendeurs de ces denrées alimentaires se seraient dû à la récente mesure du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions, suspendant temporairement la collecte des vivres, et cela jusqu'au 20 juin 2023. Chez d'autres commerçants, c'est le manque de nouveaux billets et ou de petits billets en échange des billets de 10 000 francs burundais et de 5 000 francs burundais dont se servent actuellement et en grande quantité les clients, comme si c'était pour s'en débarrasser, qui perturbe le circuit monétaire. Ceux qui se sont exprimés voudraient la révision de cette mesure du ministère et à l'intérieur dans ses attributions et la disponibilité de ces nouveaux billets. Entre-temps, les nouveaux billets étaient introuvables ce lundi matin dans les banques, le bureau postal et les institutions de microfinance opérant dans la ville de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Et à Kirundo, les agents de l'UmiCash et EcoCash ont des difficultés liées au manque de nouveaux billets de 10 000 francs et 5 000 francs bou. Certains rencontrés au centre urbain de Kirundo, leurs clients lors des retraits exigent de nouveaux billets alors qu'ils ne sont pas disponibles, ce qui paralyse leurs activités. Le même scénario s'observe au marché de Kirundo où certains petits commerçants exigent de nouveaux billets aux acheteurs si ces derniers n'ont pas de billets de 2 000 francs ou de 1 000 francs. La population de Kirundo demande à la BRB, la Banque de la République du Burundi, de rendre disponibles ces nouveaux billets afin que leurs activités se déroulent normalement. Abraham Safari pour les détails. Comme certains agents de l'UmiCash et EcoCash le précisent, en province de Kirundo, ils éprouvent des difficultés à partir de ce lundi. Certains clients, lorsqu'ils veulent faire des opérations de retrait, ils exigent les nouveaux billets de 10 000 et de 5 000, alors que ces derniers ne sont pas disponibles dans les banques et microfinances. Eux, ils perçoivent des anciens billets, mais ils s'étonnent de voir que certains de leurs clients ne peuvent pas accepter les anciens billets de 10 000 et de 5 000 francs, ce qui paralyse leurs activités. Même au marché de Kirundo, le même scénario s'observe. Certains petits commerçants exigent aux acheteurs un nouveau billet de 10 000 et de 5 000 francs lorsque ces derniers n'ont pas de billet de 2 000 et 2 000 francs. La population de Kirundo demande à la BRB de disponibiliser ses billets dans toutes les banques et microfinances pour faciliter des opérations. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Et oui, plus de 160 millions d'enfants dans le monde, soit 1 sur 10, sont affectés par le travail des enfants. À propos de Calixte Nkurunziza, représentant de l'Organisation internationale du travail au Burundi, lors de la journée internationale dédiée à la lutte contre le travail des enfants en province Cibitoke, ce lundi, l'assistant du ministre ayant le travail dans ses attributions indique que le travail des enfants s'observe au Burundi sans toutefois donner les précisions des chiffres des enfants concernés par ce phénomène. Il a été annoncé que la pauvreté et l'exclusion sont les principales causes du travail des enfants. Alexis Ndaïra-Guidje, correspondance. La pauvreté et l'exclusion sont les principales causes du travail des enfants dans le monde. Calixte Nkurunziza, représentant de l'OIT au Burundi, indique que plus de 160 millions d'enfants, soit 1 sur 10, vivent du travail des enfants. C'était lors de la célébration de la journée internationale dédiée à la lutte contre le travail des enfants qui s'est déroulée ce lundi 12 juin 2023 en province de Cibitoke. Calixte Nkurunziza précise que le travail des enfants affecte la scolarisation d'eux, où les enfants qui sont affectés par ce trafic abandonnent le banc de l'école. Toutefois, il affirme que l'OIT est à pied d'œuvre pour décourager ce travail d'enfant en demandant tout en chacun de s'impliquer pour lutter contre ce fléau de la croissance économique. L'assistant du ministre ayant le travail dans ses attributions, Odas Ndekoudiayo, affirme que le travail des enfants s'observe dans plusieurs secteurs Burundi, comme l'agriculture, la pêche et le petit commerce, les constructions sur les chantiers, le travail dans les bars et restaurants, pour n'en citer que cela. Odas Ndikudiayo indique que certaines mesures sont déjà prises pour éduquer le travail des enfants, comme la mobilisation des acteurs partenaires dans la lutte contre ce fléau. Également, que le gouvernement burundais s'est engagé à prendre des actions de grande envergure en impliquant les acteurs publics, la société civile, la communauté locale et les entreprises. Alexine Dairagije, Chibitoki, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Les infrastructures sportives qui sont en train d'être construites partout dans le pays sont à l'origine de l'évolution du football au Burundi. Malgré cela, le général de brigade de police Alexandre Muyenge, président de la Fédération burundaise de football FFB, déplore que certaines équipes se trouvent dans l'incapacité financière. Toutefois, il félicite ces équipes du fait qu'elles parviennent à terminer la saison dans les conditions financières très compliquées. Les détails dans cette chronique sport signée Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Le football burundais a connu des progrès significatifs du fait que le championnat de la première division communément appelé Primus League arrive à la dernière journée sans connaître l'équipe championne. C'est l'explication du général de brigade de police Alexandre Muyenge alias Manarex, président de la Fédération burundaise de football FFB. Actuellement, le football burundais a connu des progrès significatifs. À voir comment les différentes compétitions sont organisées. En commençant par la première division Primus League, là où nous arrivons à la dernière journée sans connaître l'équipe championne, cela montre que c'est une évolution. Auparavant, vous vous souvenez, 3 journées avant, 4 journées avant, 2 journées avant, on connaissait déjà le gagnant. La situation est pareille pour les équipes reléguées en deuxième division parce que le championnat se clôture sans que les équipes concernées ne sachent leur sort. Et même pour les relégués, nous arrivons à la dernière journée aussi. Au moins vous connaissez une seule équipe, d'autres équipes sont toujours en suspense. Cela aussi montre que le football burundais a évolué et nous espérons que si nous ayons peut-être des moyens financiers un peu accrus, nous pouvons faire mieux que ça. Le président de la Fédération burundaise de football FFB ajoute que l'implantation des terrains synthétiques partout dans le pays a contribué au développement du football au Burundi. Effectivement, le football s'est amélioré grâce aux infrastructures sportives parce que avoir les terrains synthétiques qui sont implantés ici et là dans le pays, ça a favorisé le développement du football burundais en commençant par la jeunesse. Et le Burundi est toujours en chantier. Certaines provinces sont aussi en train de construire les stades. Ici, je dirais Ngozi, Kugasaka, je dirais Karusi, Chankuzo. Leurs stades sont presque terminés. Pour toujours aller de l'avant dans le développement du football au Burundi, la FFB en collaboration avec la FIFA compte continuer à installer des terrains synthétiques dans tout le pays. Pour toujours aller de l'avant dans le développement du football burundais, en collaboration avec la FIFA, avec le budget qui est alloué aux infrastructures sportives, nous allons continuer à installer des terrains synthétiques dans ces stades qui sont déjà terminés pour la construction, pour pouvoir améliorer ce football. Malgré ces avancées significatives, général de brigade de police Alexandre Muyenge déplore le cumul des fonctions de la part des présidents de certaines équipes. Oui, nous connaissons que l'organisation de nos clubs, ce ne sont pas tous les clubs qui sont bien organisés. Je peux le dire, mais quand même, ils essaient. Donc, tu peux trouver un président d'un club qui est tout. Il est président, il est trésorier. Toutes les fonctions qui devaient être partagées par un comité, c'est le président. Mais cela, c'est parce que c'est lui le sponsoriseur même. Donc, il n'y a pas de sponsor qui vient de l'extérieur pour faire dérouler le football dans son club. Donc, il y a d'autres équipes qui sont organisées. Les différentes fonctions sont données. Et les différentes contributions sont partagées. Si la responsabilité revient à une seule personne, effectivement, l'organisation est comme ça. Il félicite cependant ces équipes qui parviennent à continuer le championnat malgré les conditions financières encore précaires. Je félicite tous les présidents des clubs parce qu'ils se donnent corps et âme pour que le football puisse être toujours continuer d'être joué. Malgré la difficulté financière qu'ils rencontrent, ils essaient d'obtenir jusqu'à la fin du championnat. Donc je les félicite sincèrement. Dans la prochaine chronique sportive, général de brigade de police Alexandre Mouyenge, alias Manarex, donnera les stratégies efficaces pour faire face à l'insuffisance des forces dans les équipes et le rôle des amateurs du ballon rond et des journalistes dans la promotion du football burundais. Point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Koubguimana pour sa parfaite collaboration technique. Ce journal vous a été présenté par Issa Liliane Inamahoro. Très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Isanganiro. Au revoir.